Bonjour frères et sœurs, et nous continuons ce matin dans les Actes des Apôtres. Et j'aimerais commencer par un mot de prière. Notre Père du Ciel, nous allons faire la connaissance ce matin, un peu, d'un des hommes qui a écrit dans le Nouveau Testament, et en a écrit une grande partie même, un homme que tu vas utiliser pour ta plus grande gloire. Et Seigneur, nous voulons pas le connaître lui, mais nous voulons connaître celui qui l'a utilisé, celui qui l'a changé, celui qui l'a transformé. Ce n'est pas lui notre modèle, c'est celui qui l'a changé, Jésus-Christ. Conduis-nous par ton Esprit Saint, et qu'à travers le chapitre 8 et les suivants, nous pouvons mieux connaître notre bien-aimé Sauveur, afin de mieux le faire connaître. Et si on le fait mieux connaître, il va être mieux glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons commencer le chapitre 8, mais avant, j'aimerais vous dire quelque chose. Il n'y a pas tellement longtemps, je parlais avec un homme, et il m'a dit, quand je lis les Actes des Apôtres, j'ai l'impression d'être un chrétien de deuxième ordre, et même troisième ordre, quatrième ordre. C'est tellement spectaculaire ce qui se passe, c'est tellement grand, c'est tellement rempli de choses qu'on voit tellement la main de Dieu, dans les miracles, les prodiges, les conversions par 1000, par 2000, par 3000, l'Église qui s'entend bien, ils partagent tout. On dirait qu'ils sont dans un autre monde. Donc, en lisant les Actes des Apôtres, des fois, j'ai même l'impression de me demander si je suis un chrétien, tout simplement. Ah, je dis comme ça, pour être un chrétien, il faut ressembler à Pierre, à Jacques, à Jean, à Étienne, ou ce qu'on va voir ce matin à Philippe, ou à Paul. J'ai dit non, mon ami. Pour être un chrétien, il faut se repentir et croire au Seigneur Jésus-Christ. Il va nous accorder le pardon de nos péchés, il va nous donner le don du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas des apôtres. Nous n'avons pas le même rôle que les apôtres. Nous n'avons pas la même mission. Dieu leur a donné des choses spéciales à accomplir afin de mettre les fondements de l'Église, de mettre les fondements des Écritures. N'essaye pas d'imiter ces hommes et ces femmes. Dieu a un rôle pour toi, accepte-le. Comme il a conduit ces hommes et ces femmes, il va te conduire, toi aussi, à accomplir ce qu'il a, qu'il a planifié pour toi. Donc, ça l'a un peu rassuré. J'espère que ça vous rassure, vous autres aussi. Parce que maintenant, on va rentrer un peu de la connaissance de Paul pendant quelques minutes, et ensuite ça de Philippe. Pour ce faire, nous allons lire ensemble à partir du verset 1 du chapitre 8. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il eut, ce jour-là, une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne, et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, en arrachait les hommes et les femmes et les faisait jeter en prison. Jésus avait dit, vous recevrez une puissance, mes témoins, et vous serez mes témoins. Vous allez être témoins à Jérusalem, en Judée et en Samarie. Mais jusqu'à la fin du verset 7, ils sont à Jérusalem. Ils ne bougent pas de là. Pendant qu'ils ont été là, ils ont mis un fondement à l'Église. Mais là, Dieu juge que c'est le temps qu'il parte et qu'il se répande dans toute la toute Israël. Ils n'ont pas planifié une campagne d'évangélisation pour atteindre le pays. Il n'y avait pas un si grand fardeau que ça, je crois, pour aller atteindre les Samaritains surtout. Mais Dieu, lui, décide que c'est le temps. Et il va utiliser, peut-être qu'eux autres auraient aimé mieux qu'ils utilisent autre chose qu'une persécution, mais il va utiliser Saul. Vous vous souvenez, Saul était au pied d'Étienne, c'est lui qui gardait les vêtements d'Étienne. Il a entendu Étienne dire, « Pardonne-leur, Seigneur, pardonne-leur. » Mais Étienne n'est pas touché, pas Étienne, mais Paul n'est pas touché, ou Saul n'est pas touché à ce moment-là. Et au lieu de se convertir, il part en guerre contre l'Église. Il part en guerre contre les chrétiens de Jérusalem. Et cette persécution est si sévère que tout le monde se disperse, excepté les apôtres. Ils se dispersent où? Dans la Judée et dans la Samarie. Donc la deuxième et la troisième étape de ce que Jésus avait dit va s'accomplir. Pourquoi est-ce que les apôtres ne partent pas? Est-ce que les chefs religieux avaient dit « touche pas aux apôtres »? Touche-leur pas, parce que ça va faire du grabuge à Jérusalem. Ou bien non, si c'est les apôtres qui ont voulu braver la persécution et accepter ça. Étais-tu tellement plus brave que tous les autres? Tu es les seuls assez braves pour rester? Je crois pas. C'est pas facile à décider qu'est-ce qui les a fait, pourquoi ils sont restés là, pourquoi la persécution ne les a pas atteints, pourquoi ils n'ont pas parti, c'est pas tout à fait clair. Mais ils restent là. Ils n'en parlent pas. Donc, on va laisser passer ça, et on va nous tourner vers Saül et vers Philippe. Donc, Saül ici, plein de rage, plein de haine, pour eux, et pour Jésus, il persécute l'Église à un tel point. La Bible nous dit au verset 3, il ravageait. Ravager, c'est dur, c'est fort. Il arrache les gens, il les fouette, il les persécute, il les met en prison. Et là, ça arrête là pour Saül. Il va revenir plus tard au verset chapitre 9. Mais ici, Luc dit à Théophile, voici comment l'Évangile s'est répandu en Samarie et en Judée. Donc, nous allons voir qu'est-ce qui se passe en Judée à partir du verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elle apprit et vit les miracles qu'il faisait, quand des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques, de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils l'écoutaient attentivement, parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru en Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Donc ici, par la direction de Dieu, Luc va parler de ce qui se passe en Samarie. Un, ça nous dit que l'Évangile se répandait, accomplissait le plan de Dieu, Et en même temps, il va peut-être répondre à des questions que les gens se posent. Peut-être que Théophile avait des questions, peut-être. Est-ce que c'est juste de la magie qu'ils font? C'est-tu des magiciens comme au temps de l'Égypte? C'est-tu des magiciens comme Simon? Ou c'est vraiment des miracles qui viennent de Dieu? Ici, en arrivant en Samarie, Philippe prêche la bonne nouvelle, les gens écoutent, les gens vont se convertir, parce qu'ils entendent et qu'ils voient Philippe faire de grands miracles. Beaucoup de paralytiques et beaucoup de boiteux sont guéris. Ils chassent les démons, juste par sa parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, bien entendu. Et là, pour montrer que c'est vraiment des choses qui viennent de Dieu, il les compare à Simon. Et Simon, lui qui disait être un magicien, lui qui étonnait les foules par ses actes de magie, même la foule était tellement étonnée par les actes de magie qu'il faisait, qu'il disait qu'il manifestait la puissance de Dieu. En voyant Philippe faire des miracles, ils sont convaincus que ce qu'ils ont, ils voient maintenant. Ce qu'ils voient maintenant de la part de Philippe, c'est autrement plus grand et plus spécial que ce que Simon faisait. Même Simon est étonné, au verset 13, par les miracles de Philippe. Il sait très bien que ça va au-delà de tout ce que lui a pu faire avec ses actes de magie. Il voit Philippe faire des choses instantanément, n'importe où, sans aucune préparation, fait des actes de magie, de miracles, excusez, fait des prodiges. Et tout le monde voit qu'il y a une grande différence entre Philippe et Simon. Autant il y a eu une grande différence entre les magiciens de l'Égypte et Moïse. Donc, ils vont abandonner Simon, puis ils vont maintenant se tourner vers Philippe, qui leur enseigne l'Évangile. Et il y a une grande joie dans la ville. Donc, ils sont maintenant mis en devant la présence de Dieu, et ils se convertissent. Et au verset 12, ça nous est dit, « Hommes et femmes se firent baptiser. » Remarquez encore une fois que suite à leur conversion à Jésus-Christ, on les baptise. J'encourage le baptême aussi près que possible dans le temps que la profession de foi. Je crois que ça fait un sens beaucoup plus près. Et on dénature pas le baptême en faisant cela. Le baptême était une manifestation de foi qui marquait le début de la vie chrétienne. Et non pas 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans après le début de la vie chrétienne. Faites attention, frères et sœurs, de ne pas minimiser le baptême, en disant le baptême ça sauve pas, blablabla, blablabla. Ici, ceux qui ont cru à Philippe, c'est pas en Philippe, mais à Philippe, et qui annonçaient la bonne nouvelle du royaume de Dieu, ils se firent baptiser. Là, aussitôt. Remarquez bien que l'auteur dit qu'ils annoncent, que Philippe annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Quand on annonce le royaume de Dieu, on invite les gens à venir faire partie du royaume de Dieu. En faisant partie du royaume de Dieu, ça ne parle pas juste du ciel, cela-là. Ça parle de venir se soumettre à un roi, un royaume, un roi. Et le roi, c'est Jésus. Il les invite à venir vivre dans une monarchie et de prendre la place de sujet et de serviteur du roi. Servir un monarque. On ne les invite pas à venir se faire servir par le monarque. Oui, le monarque va avoir des responsabilités envers son royaume, mais le royaume est là pour servir le roi. Ce matin, j'écoutais un enseignement de Don Carson sur le psaume 48, qui parlait du roi. Dieu étant le roi de son peuple. Donc nous, on annonce un royaume dont le roi est Jésus. Pour en faire partie, on se fait baptiser au nom du Seigneur Jésus. Donc, en annonçant le royaume, c'est un équivalent, ici dans le texte, de la repentance. Repens-toi. C'est pas toi le roi. Dieu n'est pas à ton service. Dieu n'est pas là pour toi. Toi, tu es là pour Dieu. Oui, Dieu va s'occuper de toi. Mais toi, tu y vas pour Dieu. Ce qu'il a préparé à l'avance pour toi, c'est son plan, ses décisions. Et par la foi, tu vas accepter ce qu'il va amener dans ta vie. Il va s'occuper de toi. Il va te protéger. Il va te garder. Mais ça ne veut pas dire que tu n'auras pas aucun problème humain et difficulté humaine. Donc, la grande persécution amène l'Église à se répandre dans la Judée, dans la Samarie. Ce texte de Étienne versus Simon nous démontre la suprématie de Dieu sur la magie humaine, nous démontre la suprématie de Jésus-Christ, nous démontre que ce que les croyants faisaient, c'était bien différent de ce que les autres pouvaient faire, les autres charlatans pouvaient faire à ce moment-là. Notre Père du ciel, merci de nous avoir montré, à travers Philippe, ce que les apôtres Étienne et Philippe ont fait. C'était bien autre chose que ce que les êtres humains pouvaient faire. C'était impossible de voir, de ne pas voir Dieu. C'était incontestable. On est obligé de dire comme Nicodème, nul ne fait les miracles que tu fais si ce n'est que Dieu est avec lui. Donc, merci, merci, merci que tu nous donnes des preuves de la résurrection de Jésus, qu'il est vivant et qu'il sauve encore aujourd'hui et qu'il amène de la gloire à son Père. Amen.